L'auberge maudite par Louis Noir. Deuxième partie, le fulminante. Chapitre 1er, Naples. Nous sommes à Naples. Naples, la plus grande ville de l'Italie. Naples, qui s'étend au pied du Vésuve, au fond de la baie la plus pittoresque de l'Europe, sous le plus beau ciel du monde. Naples, la ville étrange, la cité des contrastes, où s'agite la population la plus ardente, la plus violente, la plus sanguinaire, au jour de l'enthousiasme, de la révolte et du carnage, la plus nonchalante, la plus molle, la plus douce, aux heures de la sieste, du far niente et de la plate soumission à toutes les tyrannies. Rien ne saurait rendre l'impression qu'éprouve l'étranger en posant le pied sur les quais du port. Un monde grouillant, déguenillé, bistré, demi-nu, hurlant, gesticulant, se jette sur le voyageur et sur ses bagages. Vous ailez une voiture, 10, 15, 20 lazzaroni hissent vos paquets en geignant comme des damnés. On les dirait écrasés par un poids de 1000 kilos, quand ils sont 3, attendant au cocher un carton à chapeau. Et ils réclament la bonne main. C'est le pourboire. Vous leur jetez 10 sous, bataille entre eux, cris d'injures pour vous, ils vous interpellent. Tu n'as donc pas le sou, misérable forestiero ? Étranger, tu pouvais rester chez toi sans me dire exploiter les Napolitains. Ta mère était une laie. Ton père a fait de la fausse monnaie et tu viens du bagne. Votre cocher vous dit, jetez-leur encore quelques sous. Vous le croyez et vous renouvelez la bonne main. Nouveau combat presque sous les roues de la voiture, jusque sous les pieds des chevaux. Nouvelles insultes. Quelquefois le voyageur novice, intimidé, se laisse aller à une troisième distribution, alors il devient la cause et le centre d'une émeute. De toutes parts, les lazzaroni accourent, crient, tempêtent et menacent. Enfin, sur un ordre énergique, le cocher part et tout change. C'est un concert de bénédictions. Tous ceux qui ont empoché quelques sous vous expriment leur gratitude avec exubérance et vous êtes stupéfait de ce revirement soudain. À chaque pas, vous avez de ces aventures et de ces étonnements. C'est au milieu d'une pareille cohue que M. Le Noël et ses deux compagnons débarquent. Comme toujours, ils furent entourés, tiraillés, harcelés, mais cela dura peu. Armand, qui eut montré quelque patience pour lui-même, se fâcha en voyant Fernande pâlir au milieu de cette foule. Il saisit un des lazzaroni par le milieu du corps et l'envoya rouler à 10 pas. C'était dangereux. Ce peuple s'enflamme vite. Un cri, un immense cri, s'éleva contre le voyageur assez audacieux pour avoir protesté de cette façon énergique contre l'exploitation dont il était l'objet. Cette clameur se prolongea le long des quais en un interminable écho. On eût dit que cette foule prenait feu comme une traînée de poudre. « À mort ! À mort !» Telle était la note qui se détachait glapissante et sinistre sur les bruits menaçants. Et les lazzaroni se ruaient, mais la vue d'un revolver aux mains tranquilles de M. Le Noël, qui restait fort calme, ils s'arrêtèrent. Toutefois, ils formaient un demi-cercle épais, impénétrable, et ils emprisonnaient les 3 voyageurs entre eux et la mer. Ils s'exaspéraient et hurlaient. « Vous voyez que ce sont des assassins. Ils nous menacent du revolver. Ils ne passeront pas. Allô ?» Mais Armand s'exaspéra de voir Fernande livide et prête à défaillir. Il s'élança, saisit un lazzarone de chaque main, lança ses 2 braillards par-dessus le cercle, et ils retombèrent sur les têtes de la foule compacte. Il renouvela, avec une rapidité et une vigueur inouïe, cette manœuvre de force qui plongeait les lazzaroni dans une stupeur profonde et changea leur disposition en un clin d'œil. Le peuple adore le courage. Il a le culte de la force parce que physiquement il est faible. Puis il reste un vieux souvenir des temps anciens, où il encensait Hercule, dont les statues sont encore debout au seuil des temples et des palais ruinés. Quand cette multitude eut vu en moins de 2 minutes plus de 50 lazzaroni décrire dans les airs des courbes terminées par des chutes, si bien qu'on aurait cru contempler une pluie d'hommes, quand elle se sentit en face de ce beau garçon, superbe en ce moment de courage et d'énergie, elle se sentit en face d'un demi-dieu. Les plus rapprochés s'enfuyaient, faisant refouler les autres. Les plus éloignés riaient et applaudissaient, criant à tue-tête « Evviva !» Un large vide se fit autour d'Armand qui s'arrêta, faute de trouver quelqu'un sous sa main. Alors il se fit un certain silence. Monsieur le Noël, qui ne manquait pas d'un certain esprit d'à propos, mit son revolver dans sa poche, puisa de la monnaie dans son gousset et la lançant sur l'Alzaroni, cria « Voilà pour les blessés !» Puis montrant une pièce de 5 francs, il cria encore « Pour ceux qui amèneront une voiture !» Ce fut une inspiration heureuse. À peine la promesse était-elle faite que tous les Lazzaroni se jetèrent vers les voitures. Ils en amenèrent de tous côtés. Les 3 voyageurs montèrent dans celle qui leur fut présentée la première, et M. Le Noël allait lancer la pièce quand on lui cria « Non, non, la monnaie !» Il se rendit à ce désir intelligent, et il prit une poignée de petites pièces qu'il envoya au plus loin possible derrière la voiture. Ceux qui étaient devant coururent du côté où tombait cette monnaie, si bien que le cocher put fouetter son cheval et filer sur promesse d'une bonne main généreuse. La voiture s'engouffra dans les rues de la ville, mais l'écho lui apportait des exclamations affaiblies, attestant l'admiration et l'enthousiasme des Lazzaroni. Ceux-ci étaient domptés, conquis, fascinés par la puissance musculaire prestigieuse d'Armand, par ce beau sang-froid de M. Le Noël et sa présence d'esprit, et surtout par l'admirable beauté de Fernande. Ils en causèrent jusqu'à 2 heures du matin, car le Lazzarone veille tard, attendu qu'il fait la sieste tout le jour. Le soir, ceux qui avaient vu la scène la racontaient aux autres sur les marches des palais qui servent de lit à la populace, habituée à dormir en plein air. On entendait des dialogues animés. Dans les salons, même chant sur un autre air. On recevait ce soir-là chez la marquise de Medecapo. Il y avait foule. Dans les groupes, on devisait. « Savez-vous au vrai, colonel ?» demandait la jeune baronne de Manzini. « Ce que peut être ce beau garçon qui a débarqué ce matin ?»« Quel qu'il soit, signora, il a épargné au poste de Bersaglier une besogne désagréable et fort rude. Les Lazzaroni étaient furieux, et dans ces cas-là, ce ne sont pas 10 soldats qui leur font peur. Mais l'étranger a dissipé lui-même un rassemblement dont 30 carabiniers à cheval ne seraient pas venus à bout. « Vous l'avez vu, colonel ?» Je passais quand l'affaire a commencé. Sur ma vie, c'était superbe. Est-il aussi bien de sa personne qu'on le dit, il m'a paru magnifique. Où est-il descendu? À l'hôtel de X. Ce sont des voyageurs fort riches alors, je le crois. On affirme qu'ils veulent louer un palais pour toute une saison. Merci de vos renseignements, colonel. Et à 2 pas de là, un groupe de jeunes gens parlait de Fernande. C'était un petit abbé mondain, galantin et fort élégant, qui renseignait cette jeunesse dorée. « Vous me demandez si elle est jolie ?»« Mais elle est adorable, divine. La Madone, avant la visite du Saint-Esprit, en eût été jalouse. C'est une Française, elle est parisienne. »« Comment avez-vous vu ces détails ?»« Elle a demandé une femme de chambre, elle lui en a procuré une que je connais pour l'avoir confessée. »« Votre pénitente a-t-elle coiffé déjà, cette étrangère ?»« Certainement. » Il paraît qu'elle a des cheveux si longs qu'ils tombent jusqu'aux genoux. C'est merveilleux. Et la main? Vous ne nous dites rien de la main, ni du pied. De perfection. On reproche aux Françaises de n'avoir pas la taille aussi bien faite que les Napolitaines. Il faut croire que celle-ci fait exception. Elle est moulée à l'antique. Et ce qui est un charme tout particulier, c'est que toutes ses formes ravissantes viennent à peine d'éclore. Je crois qu'il faut s'attendre à mourir d'amour pour elle. Et mourir sans espoir. Son frère ne paraît pas badiner sur les questions d'amour. Ce Français aurait-il le mauvais goût de se fâcher par hasard? J'en répondrai. Eh, mais tant mieux. Celui qui acceptait si gaillardement l'éventualité d'un duel était un de ces jolis spadassins, brillants et dangereux tireurs comme il y en a tant à Naples, où l'on est passionné pour l'escrime. Il était résolu à faire ce qu'il avait dit. Une nouvelle se répandit dans le salon et chacun s'en émut. Vous savez que le chevalier Nello envoie demain un sonnet à la belle parisienne. Si le jeune homme n'est pas plus endurant avec les chevaliers qu'avec les Lazzaroni, il y aura certainement duel. Quel malheur, dit une dame. Le chevalier est ridicule de tuer ce jeune homme avant qu'on l'ait vu. Que le chevalier renonce à sa folle idée pour l'amour de Dieu, dit une autre, et pour l'amour des dames, fit un jeune homme. Il ne fut bruit que de cela pendant toute la soirée. Ainsi, la folie d'un gentilhomme napolitain allait encore remettre en question la vie d'Armand, si miraculeusement disputée jusqu'ici à tant de périls.